À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, ont eu lieu les 2 et 6 Coran, la réunion d'amitié en Thaïlande, les colloques et expositions de livres en Iran et un banquet en Népal. Y ont été exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Les orateurs ont exalté les exploits mortels du président et du général accomplis pour la fondation et le développement de la Corée et souligné que grâce au maréchal Kim Jong-un, la République populaire démocratique de Corée manifeste aujourd'hui son prestige en tant que puissance politico-idéologique où tout le peuple est étroitement uni par une pensée et puissance militaire invincible que nul grand ennemi n'ose toucher. Par ailleurs, toujours à la même occasion, le rassemblement commémoratif au niveau central a eu lieu le 6 Coran à Lima, Pérou.